les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Mais comment peut-on nous comparer ? S'interrogeait Hergé à propos de Franquin. Lui, c'est un grand artiste, à côté duquel je ne suis qu'un piètre dessinateur. Excessive modestie peut-être de la part du père de Tintin, mais toujours est-il qu'André Franquin, disparu en 1997, était effectivement considéré par ses pairs comme un maître, un virtuose de la bande dessinée. Belge comme il se doit, appartenant à l'école de Marcinelle, associée au journal Spirou, formé par Jigé, Franquin avait repris le personnage de Spirou à la fin des années 40 et créé autour de lui de nouvelles et incontournables figures, le comte de Champignac, Zorglub et le célèbre Marsupilami. Et en 1957, Franquin créait dans le journal Spirou un héros sans emploi qui allait marquer l'histoire de la BD, Gaston Lagaffe. En 1973, invité à parler de son métier dans l'émission de la chaîne Nord Picardie, La Belle Ouvrage, c'était autour du personnage de Gaston, dont il avouait qu'il était son favori, que Franquin engageait la conversation avec Pierre Dubois. La Belle Ouvrage avec Franquin, une émission diffusée la première fois le 8 septembre 1973. La Belle Ouvrage, petit métier, artisan, créateur. Franquin Gaston et Gaston Franquin. Connaissez-vous Gaston ? Oui, Gaston. Mais si... Vous connaissez un gars au chandail vert, un peu flou, au col roulé, lâche, aux jeans fatigués, aux sandales de toile très larges. Gaston le chevelu, à la scoliose de divan mou, le mégot collé à la lèvre. Gaston, à la bouillamboule, à l'allure de gag hebdomadaire. Le héros de l'épilepsie statique, du court-circuit dans les phylactères de Champollion, le Lanza del Vasto de la BD, l'ange des doux, l'épouvantail des attachés case, le confioteur des esthètes de la papille, le Frankenstein de l'éprouvette taquine, le Saint-François d'Assise des crapoussins cropignotants, le... M'enfin... Bof... Auf... Des cérébraux de la littératra. Bon. Ben, vous voyez Gaston. Alors vous connaissez son copain. Mais si, un grand lunetté, qui est toujours avec lui, déjà le premier trait commencé. Oui, un sournois, qui met sur le dos de Gaston toutes les gaffes, les gags... et les découvertes qu'il rêve de faire lui-même. C'est mal, hein ? Je suis tout à fait de votre avis. C'est bien Franquin qu'il s'appelle. Franquin, vous êtes surtout connu pour, évidemment, Spirou... Et le Marsupilami, mais maintenant surtout pour Gaston. Gaston, oui, oui. Gaston est mon personnage favori, évidemment, de tous ceux que j'ai faits, c'est Gaston que je préfère, oui. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, le succès de Gaston, surtout à une époque où la bande dessinée devient de plus en plus intellectuelle, ou revendicatrice, même politique, fantastique, érotico quelque chose, philosophique, et malgré tout, Gaston, Lagaffe, reste, demeure et a toujours autant de succès. Eh bien, justement, je crois que la bande dessinée se diversifie. Elle ne devient pas massivement science-fiction ou massivement intellectuelle ou massivement ceci ou cela. Je crois qu'elle se diversifie, comme la littérature s'est diversifiée depuis des siècles, évidemment. Et alors, vous pouvez faire de la littérature très légère, très amusante, et à côté de ça, la littérature la plus profonde et la plus poétique ou métaphysique ou tout ce que vous voulez. Donc, je crois que la bande dessinée a été maintenu, entre autres, par le mépris de certaines élites intellectuelles dans sa fonction de divertissement pour gosses et assez simple, etc. Mais il s'avère maintenant qu'elle peut faire de toutes sortes d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que toute la bande dessinée doit aller dans telle ou telle direction. Je crois qu'elle se diversifie et, Gaston est un clone, il peut rester des clones. Hein. Il peut rester des choses légères à côté de choses très graves. Et ça, j'y tiens beaucoup pour ma part, qu'on fasse encore, quelles que soient les directions que prenne la bande dessinée, je crois qu'il faudra toujours de la bande dessinée pour enfants et de la bande dessinée pour rire. Résumons la situation. C'est le matin, trop tôt. Il fait chaud. Je n'ai pas envie de travailler. J'ai envie de dormir au soleil doux de septembre, à l'ombre d'un bel arbre dodu, dans un hamac lent. Boire une boisson glacée, frétillante de bulles chuchonnantes. Manger une tarte à la crème. Et après, une bonne ratatouille de nouilles et de harengs à la confiture. Une de mes spécialités. Puis, lire un traité sur le survoltement de l'abeille aquatique. Puis, piquer un petit somme jusqu'à ce que les nuages viennent me caresser le bout des orteils. Après, aller manger des frites, des saucisses, du nougat et des sardines. Puis, jouer de l'hélicon dans la nuit étoilée pour charmer les moustiques butinant les champignons. Puis, dodo, ça va être une chouette journée tout de même. Oui, d'abord. Moi, je veux jouer de l'hélican, pou. Oui, mais enfin, Gaston, il débouche quand même sur autre chose. Enfin, évidemment, peut-être pas vraiment une école de pensée, mais tout au moins une espèce de sagesse, une sagesse qui est peut-être de la fainéantie, je ne sais pas. Mais il a un tas de qualités qui sont peut-être des défauts, mais qui semblent quand même des qualités. Bah, écoutez, j'essaye que ce soit un personnage très humain. Je crois que je lui donne une partie de... On se met toujours très fort dans ces personnages, c'est évident. On prend un trait de son caractère et on le multiplie énormément et on obtient un gaffeur. Et le même dessinateur peut prendre un autre trait de son caractère et créer un autre personnage, qui soit par exemple un pessimiste ou bien un imbécile heureux, au contraire, n'importe quoi. Je crois qu'un dessinateur peut créer une foule de caractères en prenant... Chaque fois en prenant chez lui, dans son fond lui-même, surtout s'il est lui-même son scénariste, ce qui est important, je crois. Mais je ne sais pas, j'essaye que le personnage comme Gaston soit assez humain, des réactions humaines, et une personnalité. Je le juge très mal moi-même, parce que je suis très fort à l'intérieur de la série. Là, je manque de recul pour ça. Oui, mais Gaston, par exemple, j'ai vu un jour... Un gars qui avait un Gaston, la gaffe, en latex, et qui lui avait donné une position de croix. De croix, oui, et il faisait embrasser un peu comme un crucifix son Gaston aux gens qui passaient. Bon, c'était très drôle. Mais en fait, c'est presque une religion pour certains Gaston. Je ne dis pas une religion avec un grand R, mais enfin, disons, c'est une espèce de religion de manière de penser pour beaucoup de jeunes qui aiment se retrouver en Gaston, ou même certaines personnes qui aiment que certains de leurs amis. Ressemble à Gaston, ça leur plaît beaucoup. Écoutez, là, ça me dépasse très fort. Là. Mais enfin, je crois qu'en effet, il peut y avoir des identifications. Chaque fois qu'un personnage de bande dessinée est plus ou moins réussi, il se passe un phénomène d'identification. Les personnages du temps de Spirou, quand on a créé Spirou, étaient des personnages un petit peu vagues, justement pour faciliter l'identification. C'était des personnages très vertueux, très courageux, très désintéressés, très idéalisés. Et il n'avait aucun vice ni aucun défaut. Et alors, c'était justement, c'était le personnage un petit peu exemplaire. C'était le censé représenter le gosse, mais le gosse, le bon côté du gosse, vertueux et bien obéissant et tout, et défendant la bonne cause à chaque coup. Maintenant, ici, je crois qu'avec Gaston, on a dit beaucoup que c'était un anti-héros. Je ne sais pas si c'est un anti-héros, mais ce n'est pas. C'est un personnage qui a de multiples défauts. Mais justement, je crois qu'il y a là un phénomène d'identification qui joue, parce que Gaston est un peu dans la position du gosse paresseux, ou qui ne fait que ce qui l'amuse, qui a horreur de certains travaux ennuyeux. Et alors, il est toujours dans la position du gosse qui est engueulé par les adultes sérieux autour de lui. Et je crois que c'est à ce niveau-là que l'identification marche assez bien. Néanmoins, c'est un adulte. Je suis incapable de donner un âge à Gaston. Évidemment, il conduit une voiture, il a déjà une sorte d'idylle avec Moiselle Jeanne, etc. Bon, mettons que c'est un adolescent, mais il est encore assez près du gosse par son comportement. Il a un comportement tout à fait enfantin, très souvent. Oui, mais ça peut être un adulte qui a un comportement enfantin. Parce qu'il a une tête d'adulte, quand même, assez. Oui, il y a un petit peu de ça, parce que je crois que c'est justement quelqu'un qui refuse l'adulte, qui refuse l'âge adulte. Je crois qu'il se comportera comme un gosse toute sa vie. Et il prolonge l'enfance, quoi. C'est-à-dire c'est une enfance qui n'en finit pas, Gaston, j'ai l'impression. Pour ça, il est un peu inadapté dans un monde sérieux, spécialement dans des bureaux où il faut travailler sérieusement, classer les trucs dans les tiroirs, etc. Et ça, ça ne lui va, ça ne lui convient pas du tout. Pour lui, c'est beaucoup plus important de laisser un nid d'hirondelle, par exemple, dans une voiture, hein, que par exemple, prendre la voiture et courir tout de suite à un rendez-vous d'affaires. Il déteste l'argent, il déteste un tas de choses. Oui, ben là, pour le nid d'hirondelle, je crois qu'il a tout à fait raison. Ce sont les choses importantes. Évidemment, il y a une hiérarchie dans les choses importantes. Mais enfin, sa hiérarchie à lui est le contraire de celle des gens qui l'entourent, évidemment. Oui, c'est un nid adapté. Je crois qu'il y a une chose importante dans la vie de chacun de nous, c'est le moment où on découvre péniblement que la vie n'est pas un jeu, justement. Et c'est une des premières virginités qu'on perd, et c'est extrêmement pénible, celle-là, parce que quand on s'aperçoit que la vie est une chose épouvantablement sérieuse, où on n'a rien gratuitement, et le plaisir est rare, et bon, il faut gagner péniblement le moindre moment de satisfaction, eh bien, je crois que c'est ce moment-là que Gaston repousse assez bien, et c'est ce moment-là que chacun d'entre nous voudrait repousser, j'ai l'impression. Gaston aime dormir, manger, un vent côté, pique-niquer, dormir, camper. Il aime la mer, les vagues mousseuses et les embruns. Il aime les glaces, les mouettes rieuses ou moins rieuses, les chats, les souris, les animaux. Il aime jouer, se nicher, hiberner, se cacher, rêver. Il aime les cocons ouateux. Il aime l'enfance. Pour lui, les monstres sont des copains qu'il rencontre au hasard de ses promenades. Il aime assez Mademoiselle Jeanne. Il s'adore. Il aime Fantasio. Il aime les fleurs, les fées qui ont des lunettes et les grenouilles qui connaissent la mécanique. Franquin, lui, est entre tout cela. C'est lui qui a créé ce jeu. Et aussi Zorglub et Champignac, le houba du marsupilami. Autant de rois bouillonnants dans des alambics toujours prêts à éclore d'autres fleurs ou à éclater. Gaston aime beaucoup Franquin. Et ta sœur oh, oui, j'ai de la candeur. Et ta sœur oui, j'adore les fleurs. Et ta sœur oh. Il y a une chose curieuse, c'est le Fantasio était le farfelu de Spirou, et maintenant le Fantasio est devenu le sérieux et Gaston le farfelu de Fantasio. Oui, ça c'est un méfait de Gaston, c'est-à-dire que quand Gilin l'a créé, Fantasio était en somme le Gaston de la rédaction, c'était vraiment le personnage incontrôlable, absolument farfelu justement, et seulement il a été mis en contact dans la bande de Gaston avec Gaston, et Gaston a pris toute la fantaisie. Et devant les excès de Gaston, Fantasio est devenu, lui, le gars sérieux, et a fini même par jouer le rôle du père qui punissait, qui enguirlandait le sale gosse qui s'appelait Gaston. Justement, vous situez comment, là, le Franquin dans le quotidien Vous parlez souvent du père. Vous devez être un mauvais père, alors, étant un enfant, vous-même refusant un petit peu le quotidien. Ah ben, comment ça se passe? Je n'ai qu'un enfant, j'ai une fille qui a 16 ans. Enfin, le rôle de père m'écrase un peu et m'inquiète parce que c'est beaucoup de responsabilités. En effet, je me sens encore très enfantin moi-même et j'ai l'impression toujours qu'il faut être beaucoup plus mûr que je ne suis pour être père, oui, c'est exact. Enfin, ce n'est pas un problème gigantesque. Non, non, mais il faut vivre donc comme un enfant un peu. Ah, ce serait des pirouettes. Ce serait l'idéal, mais enfin, c'est un peu la paresse aussi. C'est un peu la paresse et l'incapacité. L'idéal, ce serait de jouer toute sa vie, justement. Oui, oui. Enfin, certains trimballent toute leur vie cette impression qu'ils n'ont pas assez joué dans leur enfance et ils essayent de faire de leur vie un jeu. Évidemment, il y a des déconvenus, comme chez Gaston. Quoi. Mais chez vous, c'est bien parce qu'on vous paye pour jouer. Oui, c'est ça, c'est ce qui est miraculeux. Quand j'ai commencé la bande dessinée, je me suis toujours beaucoup amusé à dessiner. Je ne dis pas que c'est facile. C'est un travail souvent ardu et assez difficile, mais enfin, ça m'a toujours amusé beaucoup quand on dessine. Enfin, du moins, quand je dessine, moi, je suis heureux. C'est à la fois un métier et un hobby. Alors, quand j'ai découvert que je pouvais jouer à ça et qu'en plus, j'étais payé, j'étais ravi. C'était vraiment une découverte agréable de ma vie. Et tout le monde vous reconnaît un peu comme un maître. Beaucoup de dessinateurs rêvent d'être Franquin. Beaucoup de jeunes rêvent d'être Franquin, d'avoir créé Gaston. Et en même temps, Franquin rêve énormément de dessiner comme tel ou tel. Vous savez, c'est réciproque. Parce que nous sommes tout de même, quel que soit le plaisir que nous prenons à ce métier, je crois qu'en général, les dessinateurs sont des inquiets. Je n'en connais aucun qui soit parfaitement équilibré. Et alors, d'abord, nous comparons ce qui nous sort de la main, les dessins que nous faisons, nous comparons ça à un dessin idéal que nous avions dans le cerveau avant de commencer. Et c'est évidemment beaucoup moins bon que ce que nous avions dans le cerveau avant de commencer. Ensuite, nous voyons les dessins magnifiques de nos confrères et la bande dessinée de ces temps-ci s'est améliorée d'une façon remarquable au point de vue dessin, au point de vue qualité du dessin. Je crois qu'il y a maintenant, on peut voir dans certains journaux de bande dessinée, des dessinateurs qui sont les meilleurs que le monde ait jamais vus. Parce que je crois que le dessin actuellement a été porté à un degré de perfection remarquable. Oui, justement, actuellement, on voit la bande dessinée qui devient géniale, mais qui manque peut-être d'humour, qui manque de simplicité, et qui manque d'action et aussi de communication avec les lecteurs. Oui, peut-être bien. C'est parce qu'il y a des expériences, mais une époque d'expérience est toujours une époque intéressante. Moi, j'attends avec impatience que la bande dessinée réussira demain et je lui fais confiance. Mais vous sentez la bande dessinée changer? Ah oui, je la sens changer très fort. Comme nous disions tout à l'heure, elle se diversifie et ça me réjouit beaucoup parce que la bande dessinée a été longtemps méprisée comme l'est pour l'instant le roman photo, par exemple. Hein, le roman photo, moi je n'aime pas ça du tout et je n'ai jamais aimé le roman photo. J'en ai vu très peu et je ne suis pas attiré par ça. Mais il y aura peut-être demain quelqu'un qui s'emparera du roman photo, qui en fera une œuvre remarquable. Je fais confiance. J'ai l'impression que il y a certaines élites intellectuelles qui repoussent les genres nouveaux, comme on a repoussé le cinéma, comme on a repoussé la radio, comme on a repoussé la télévision. C'est abrutissant, c'est un danger, etc. Je crois qu'il y a une terrible peur de ce qui est nouveau. La bande dessinée n'est plus nouvelle, mais elle a été maintenue longtemps en suspicion, en mépris. Évidemment, ça n'encourageait pas les vocations, c'est évident. Je crois que l'attitude d'attendre ce que ça peut nous montrer, ce que ça peut devenir, est beaucoup plus créatrice et beaucoup plus intéressante, j'ai l'impression. Dans notre émission La Belle Ouvrage, où en général on va voir des vieux possédant des secrets, hein, le métier qui se termine, enfin La Belle Ouvrage qui se perd. Enfin, il y avait quand même un rôle d'initiateur. Hein, le secret se transmettait soit de père en fils ou de sachant en apprenti, de maître en... Est-ce que vous pouvez le faire, vous, et dans quelle mesure vous le faites? Mais je crois que ça appartient un petit peu au passé, j'ai l'impression. Parce que justement, il y a c'est peut-être un peu le domaine de l'artisanat, ce que vous dites là, j'ai l'impression. Ici, la bande dessinée, évidemment, quand des jeunes dessinateurs viennent nous parler de bande dessinée, on leur donne volontiers, non pas tellement des conseils, mais enfin, on parle volontiers métier avec eux à ce moment-là. Le vieux apprend souvent, si le jeune est bon, le vieux apprend souvent autant que le jeune. Mais il n'y a pas de cette... ces écoles comme il y en avait en peinture dans le temps, on allait apprendre chez un maître les trucs du métier, la façon de faire, etc. Entre autres parce que la bande dessinée change tellement. Et alors, on doit être très prudent si on veut donner des conseils entre guillemets, encore une fois, à un jeune dessinateur, c'est que, justement, on n'a pas affaire de petits Peyot, de petits Robat, ou de petits Franquin, ou de petits ceci ou cela, parce que là, il y a une très grande différence de génération, les goûts changent, et peut-être qu'ils feront eux-mêmes quelque chose de beaucoup plus inattendu. On n'a pas essayé de perpétuer un genre, c'est inutile. Mais malgré tout, disons qu'il y a trois journaux, pas plus, quoi, en fait, de bande dessinée. Où peuvent aller les jeunes dessinateurs ? Eh bien, le problème maintenant pour un jeune dessinateur, c'est que pour paraître de but en blanc dans un journal, il faut être déjà très bon. Justement parce qu'il y en a beaucoup. Et que ces journaux n'étant pas extensibles comme nombre de pages, il y a toujours le même nombre de dessinateurs, une trentaine, une quarantaine par journal qui paraît, et certains toujours et d'autres par moment. Ça, c'est un problème. Alors, je ne voudrais pas être jeune dessinateur maintenant, parce que ça doit être assez difficile, justement. Maintenant, il y a une nouvelle voie un peu incertaine, mais qui peut devenir intéressante dans la suite, c'est le phénomène, pas tellement fanzine, mais tout de même genre fanzine. La bande dessinée est considérée comme... moyen d'expression, non pas tellement, hélas, commercial et possibilité de gagner sa vie, mais enfin, possibilité de paraître tout de suite et de se voir paraître. Je crois que les fanzines devraient se diriger vers la publication de jeunes qui font de la bande dessinée. Une bande de copains se réunissent et font paraître de la bande dessinée, et ils sont en toute liberté. Ils font ensemble un petit journal aussi misérable soit-il, mais ils sont chez eux. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Et vous conseillez en fait aussi aux jeunes dessinateurs, s'ils veulent faire de la bande dessinée, d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont envie de faire, mais pas de dessiner un peu par rapport à un autre dessinateur ou un journal, ou faire des concessions à l'esprit d'un journal. Non, je crois qu'il faut trouver le moyen, évidemment c'est pas toujours très facile, il faut toujours trouver le moyen de faire ce qu'on fait avec plaisir, justement, parce que je crois que c'est la principale loi du métier. L'esprit d'un journal, évidemment, on tombe un petit peu naturellement dans le journal pour lequel on est fait, j'ai l'impression. Maintenant, commencer le métier est certainement plus difficile maintenant qu'il n'était à l'époque où nous avons commencé, Maurice Pape et moi, etc. Parce que il y a certainement beaucoup plus de dessinateurs. Et les journaux dans lesquels nous travaillons ne se sont pas... ils sont d'une épaisseur dite, et alors il y a beaucoup plus de dessinateurs, mais on finit par faire la file pour paraître. Et il y a beaucoup de dessinateurs dans le métier qui ne paraissent pas assez souvent. Il y a la concurrence de la télévision aussi qui est un problème pour toute la presse, non pas seulement pour les journaux de bande dessinée. Une partie maintenant du plaisir visuel, c'est la télévision, et ce sont les feuilletons télévisés, etc. Il y a des problèmes. Alors qu'en fait, la bande dessinée, disons que c'était une espèce de continuation du magazine pittoresque ou des almanachs, en fait, c'est ces journaux qu'on lisait aux veillées, quoi, après. Mais oui, et c'était un peu fait, je crois, d'ailleurs, c'est une chose qu'elle peut garder, la bande dessinée. C'est peut-être pour ça qu'elle redevient un peu fantastique, c'est que si elle continue à faire rêver, eh bien, ça va très bien, elle survivra. Je crois justement qu'il y avait dans le temps, dans les journaux de gosses, des belles grandes illustrations romantiques. Je ne suis pas spécialement tourné vers le passé, mais enfin, la bande dessinée devient un petit peu, et a toujours été d'ailleurs, un objet de grande consommation rapide, hein, c'est évident. Mais enfin, les journaux d'illustration pour jeunes peuvent redevenir un petit peu plus rêveurs qu'ils ne le sont, je crois. Oh.